Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le temple du soleil. Quatrième épisode. Grâce au flair infaillible de Milo, Tintin et le capitaine Haddock ont pu retrouver Zorino et le délivrer de ses ravisseurs. Ils se sont alors engagés avec lui dans une longue marche à travers la cordillère des Andes. Après avoir réchappé d'une avalanche sur les sommets enneigés, ils ont traversé la forêt vierge au péril de leur vie, déjouant tour à tour les attaques des boas et des alligators. Enfin, au bout de nombreux jours, les voilà sortis de cette forêt aux mille dangers. Diable, le temple du soleil est bien défendu. Ce torrent est infranchissable. Plus loin, peut-être, trouverons-nous un passage ? Deux jours plus tard. Rien à faire, capitaine. Nous allons essayer de passer au niveau de cette chute d'eau. Il y a là un piton rocheux autour duquel nous pourrons lancer une corde. Ça va, je m'en occupe. Donne-moi ta corde, Zorino. Allons-y. Et hop! Bravo, capitaine! Du premier coup! Je vais attacher l'autre bout à un arbre. Voilà, c'est fait. Et maintenant, qui passe le premier ? Zorino, avec Fuji Tintin, pour prouver corps très solide. Sois prudent, Zorino. Il a du cran, ce petit. Et voilà ! Bien, à mon tour maintenant. Tonnerre de Brest. Il s'agit d'avoir le pied main. Il s'aborde ma casquette. Au nom du ciel, lâchez cette casquette, capitaine. Vous allez tomber. Jamais de la vie. J'y tiens, moi, à ma casquette. Continuez, capitaine. Milou, accroche-toi bien. Allons, Milou, tiens-toi tranquille. Nous y sommes presque. Horreur! La corde s'est cassée! Tintin! Tintin! Rien, je ne le vois pas. Voyons, ce n'est pas possible. Il est excellent nageur. Il va reparaître à la surface. Rien. Rien. C'est fini. Il s'est noyé. Mon Dieu, c'est épouvantable. Noyé. Noyé, Tintin. Tintin, pas mort, un capitaine. Hélas, Zorino. Mon pauvre Zorino, nous ne le verrons plus. C'est fini. Fini. Quoi ? Voyons, cette voix. Est-ce que je rêve ? Ce n'est pas lui. C'est sa voix de Tintin. Tintin ! Tintin ! Est-ce bien vous ? Où donc êtes-vous ? Ici, derrière la chute d'eau ! Derrière la chute d'eau ? Comment derrière la chute d'eau ? Tu as l'accord, Zorino ? Oui. Alors allons-y. Alors, vous avez vu ? Bien. Je crois que j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Maintenant, on est d'accord. Attachez-y une grosse pierre et lancez-la à moi. Compris. Voilà qui est fait. Attention, Tintin ! Je vous lance la pierre ! Ok. Voilà, ça y est. Parfait. Et maintenant, venez vous rejoindre. Quoi? Comment vous rejoindre? N'est-ce pas vous au compteur qui... Non, non. Venez vous fermement à la corde et passez à travers la chute. Ce n'est qu'un mince rideau d'eau, vous verrez. Mais vous êtes sûr que... Oui, oui. Allez-y. Bon. Adieu, Vat, puisqu'il le faut. Et voilà. Ça y est, ça va. Mais où sommes-nous donc ? Un instant, j'appelle Zorino. À ton tour, Zorino ! C'est extraordinaire. C'est inouï, c'est incroyable. Ça y est. Tintin. Content de te retrouver, Zorino. Tintin. Zorino a eu beaucoup peur. Toi, pas blessé ? Rien. Pas une égratignure. Je suis tombé à l'eau et puis je ne sais plus. J'ai été pris dans un tourbillon, je me suis débattu, et quand je suis revenu à la surface, je me suis retrouvé dans cette cavité. Et je crois que par un hasard vraiment providentiel, j'ai découvert une ancienne entrée du Temple du Soleil. Une entrée probablement oubliée des Incas eux-mêmes. Regardez ce tunnel. Mais bon sang, il doit faire noir comme à l'intérieur d'un cachalot là-dedans. Je le croyais comme vous, mais je suis allé voir. Les rochers sont couverts d'une matière phosphorescente qui diffuse une certaine lumière. Nous y allons ? Si vous le dites. Pas de bruit. Soyons prudents. J'ai l'impression que nous ne sommes plus très loin de Monsieur Tournesol. Et où allons-nous aboutir ? Avançons toujours. Nous verrons bien. Oh oh, voilà qui est plus grave. Le couloir est obstrué. Plus moyen de continuer. C'est probablement à la suite d'un de ces tremblements de terre si fréquents dans ce pays que l'éboulement a dû se produire. Nous voilà bloqués. À moins que... Milou semble nous indiquer quelque chose. Là, en effet, on dirait qu'il y a un passage. Prends ma carabine et mon poncho, Zorino. Je vais essayer de m'y glisser. Oui, Tintin. Vous êtes sûr que ça ira ? Je l'espère. Ça va ? Jusqu'à présent, oui. Je viens de déboucher dans une sorte de grotte. Je vais voir s'il y a moyen. Oh. Mon Dieu, qu'y a-t-il ? Je... Bonjour, monsieur. Beau temps, n'est-ce pas ? Vous... Vous parlez français ? Non ? Espagnol, évidemment. Non plus. Do you speak English? Non plus. Mais ma parole, ce visage immobile, ce regard fixe, je me demande si... Sapristi! Ce n'était qu'une tête en céramique. Mais c'est tout le contenu d'une tombe qui vient de dégringoler là. L'hypothèse du tremblement de terre se confirme. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Des momies incas. Nous sommes bel et bien dans un tombeau. Et cette dalle, que recouvre-t-elle? Si l'on parvenait à la faire basculer... Mais seul, je n'y arriverai pas. Je vais appeler les autres. Allô, capitaine ? Zorito ! Venez, j'ai besoin de votre aide ! Ça va, nous arrivons ! Vas-y le premier, Zorino. Je te passerai ensuite les carabines et les ponchos. C'est bon. Toi, donnez-moi les fusils, seigneur capitaine. Et voici. Ici, fusil Tintin. Merci, Zorino. Oh, chambre des morts ici. Eh oui, Zorino. Nous n'avons pas le choix. Allez-y, capitaine. À votre tour maintenant. Qu'est-ce que... Mais sapristi, c'est Milou qui a fait ce bruit-là. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons voir cette pièce. Ça? Flûte des morts, Tintin. Ingas fabriquait flûte avec os des morts. Une flûte sculptée dans un tibia. Et c'est Milou qui a soufflé dedans par mégarde. Eh bien, capitaine, où restez-vous? Un peu étroit, ce passage, tout de même. Attendez, je vous aide. Ah, merci. Ben, 5000 symbores. Mais c'est une tombe ici. Eh bien, c'est gai. Que voulez-vous, capitaine? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Des momies. Dites donc, c'est pour me présenter à cette paire de joyeux trompe-la-mort que vous m'avez fait venir ici? Non, non, capitaine, c'est pour autre chose. Je suis persuadé que nous touchons au but. Voyez-vous cette dalle? Nous allons essayer de la faire basculer. Et qui sait, peut-être que derrière... Peut-être, en effet. Eh bien, allons-y. Et... Deux... Trois... Ça va, elle a bougé. Encore un effort. Et... Quand c'est saisiste, c'est sacrilège. Arrière, poussière. Au large, espèce d'un cas de carnaval. Va les pieds. Bande de sapothèque. Moulin gaufre. Mon tropothèque. Lâchez-moi, bande de sauvage. Viens. Je les enferme avant de les faire qu'un prêtre devant Inca. Ta cornichon ectoplasme grand lâche. Allons, Zorino, ne pleure pas. Nous en sortirons, tu verras. Doriforts terroriste. En sortir, oui, mais comment? Pauvre gosse. Tiens, mais qu'est-ce que j'ai là au fond de ma poche? Ah oui, c'est la médaille que j'ai reçue de cet Indien, Raucha. Je l'avais tout à fait oublié. Puisque tu vas vouloir partir quand même, tu vas prendre ceci, drapeau et carte d'argent. Qui sait si... C'est peut-être une sorte de talisman qui protège celui qui le possède. Et dans ce cas, l'un de nous aurait la vie sauve. Tiens, Zorino, voilà quelque chose pour toi. Garde-le précieusement, cela pourra peut-être te servir. Merci, Tintin. Vous venir. Inca attend dans le vous. Ah, il nous attend. Eh bien, je m'en vais lui dire ma façon de penser, moi. À ce monsieur. Comme de macaque. Perrol, c'est son patron. Du calme, capitaine, je vous en conjure. Sapristi, voilà l'Inca. Regardez, capitaine. Cet Indien à la droite de l'Inca, vous voyez ? Eh bien, c'est Chiquito, l'ancien partenaire du général Alcazar que j'ai retrouvé à bord du Pachacamac. Étranger, je désire d'abord savoir de quelle manière et à la suite de quelle complicité vous avez réussi à pénétrer dans le Temple du Soleil. Je... Noble fils du Soleil, c'est par un pur hasard que nous avons découvert l'entrée du Temple. Elle se trouvait derrière une chute d'eau dans laquelle j'étais tombé. Bien. Quoi qu'il en soit, notre loi ne prévoit qu'un châtiment pour ceux qui se risquent à pénétrer dans le temple sacré où nous perpétuons le culte du soleil. Et ce châtiment, étranger, c'est la mort. La mort ? La mort, la mort ! Et vous croyez que nous allons nous laisser massacrer ainsi, espèce de cannibale emplumé ? Grâce, capitaine, taisez-vous. Noble fils du soleil, permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Notre but n'a jamais été de commettre un sacrilège. Simplement, nous étions à la recherche de notre ami, le professeur Tournesol, qui... Votre ami a osé se parer du bracelet sacré de Raskar Kapak. Votre ami sera, lui aussi, mis à mort. Vous n'avez pas le droit de tuer cet homme, Mille Sabords. Pas plus que de nous tuer, nous, Mille Tonnerres de Brest. C'est de l'assassinat, pur et simple. Aussi n'est-ce pas nous qui vous mettrons à mort. C'est le soleil lui-même qui, de ses rayons... mettra le feu au bûcher qui vous est destiné. Quant à ce jeune Indien qui a guidé ces étrangers et qui, de cette façon, a trahi sa race, il subira le châtiment réservé aux traîtres. Qu'il soit immédiatement égorgé sur l'autel du soleil. Non ! 1 000 000 de Mille Sabords ! Le premier qui ose toucher à un seul cheveu de la tête de ce garçon, celui-là est un homme mort ! Mon Dieu, j'y pense. Ta médaille, Zorino. Montre la médaille que je t'ai donnée. Voilà. Où as-tu volé cette médaille ? Misérable petite vipère ! Moi, pas volé, noble fils du soleil. Moi, pas volé. Tintin, donnez-moi cette médaille. Moi, pas volé. Et toi, chien d'étranger, où l'as-tu prise ? Sans doute comme tes pareils en ont l'habitude, en violant la sépulture d'un de nos ancêtres. Noble fils du soleil, je demande la parole. C'est moi, ô noble fils du soleil, qui ai donné à ce jeune étranger la médaille sacrée. Comment ? Toi, Ouaskar, un grand prêtre du soleil, tu as commis le sacrilège de donner ce talisman à un ennemi de ta race ? Ce n'est pas un ennemi de notre race, Seigneur. Je l'ai vu, de mes yeux vu, prendre tout seul la défense de cet enfant que brutalisaient deux de ces infâmes étrangers. Que nous haïssons. C'est pour cela, sachant qu'il allait au-devant de graves dangers, que je lui ai donné cette médaille. Ai-je mal fait, un noble fils du soleil ? Non. Ouaskar, tu as agi noblement. Mais ton geste n'aura servi qu'à sauver la vie de ce jeune Indien. Puisque le voilà protégé par ce talisman. Et non celle du jeune étranger qui, par sa générosité, s'est privé de sa seule chance de salut. Nos lois sont formelles. Il sera mis à mort ainsi que son compagnon. Cependant, je désire leur accorder une grâce. Ah non, il n'est pas si méchant qu'il en a l'air. Et cette grâce, la voici. Dans les 30 jours à venir, ils pourront choisir eux-mêmes le jour et l'heure où les rayons de l'astre sacré enflammeront leur bûcher. Je leur donne jusqu'à demain pour réfléchir et me porter leur réponse. Quoi ? Quant à ces jeunes Indiens, il sera séparé de ses compagnons, et il aura donc la vie sauve. Mais il restera jusqu'à sa mort dans ce temple, afin que notre secret ne soit point divulgué au dehors. À présent qu'on amène ces étrangers, et qu'on les mette au secret jusqu'à demain, telle est la volonté du Fils du Soleil. Pendant ce temps, en Europe... Chef, Nous avons fouillé de fond en comble toute l'Amérique du Sud sans aucun résultat. Tintin, le capitaine et le professeur Tournesol sont restés introuvables. Je dirais même plus, introuvables. Aussi avons-nous décidé d'entreprendre de nouvelles recherches sur des bases toutes neuves et avec des méthodes entièrement inédites. Je dirais même plus, c'est ce que nous avons décidé. Oh. Et en quoi consistent ces méthodes ? Permettez-nous, chef, de garder à ce sujet un silence aussi compact que discret. Vous le savez, motus et bouche cousue, telle est notre devise. Je dirais même plus, botus et mouche cousue. Tout le monde sait que la radiesthésie est l'une des spécialités de Monsieur Tournesol, mais ne comptez pas sur nous pour vous révéler que c'est précisément cela qui va nous mettre sur leur piste. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Oui, c'est vrai. Mais il est déjà heureux que Zorino soit sauvé, lui. Pas de sauvage. Je m'en vais fumer une pipe, tiens. Ça me calmera les nerfs. Où est-elle ? Ah, la voici. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Je me souviens. Le journal qui a servi à emballer nos cartouches. Fini maintenant. Nous n'en aurons plus besoin. Ce n'est plus nous qui devons allumer un feu à présent. On l'allumera pour nous, tonnerre de Brest. Que faire ? Comment sortir d'ici ? Ces barreaux, peut-être ? Non, hélas. Ils sont solidement fixés. Et puis même si nous arrivions à les déceler, cette fenêtre donne sur un précipice. Il s'aborde, j'ai perdu mes allumettes. Donnez-moi votre pipe, capitaine. J'ai une petite loupe. Une loupe ? Ah oui. Regardez. Il suffit de placer la loupe dans l'axe des rayons du soleil et la pipe en dessous. Mais il s'aborde. Ça prend. Oui, voilà. Ça y est. Tenez. Ça y est. C'est merveilleux. C'est magnifique. Magnifique, oui. Et c'est certainement de la même manière que les Incas bouteront le feu au bûcher sur lequel nous serons grillés. Ma pipe. Ma pauvre pipe. Elle est cassée, mille sabords. C'était Le Temple du Soleil d'Hergé. Quatrième épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillon. Musique originale, Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Christian Gonon, l'Inca, Serge Bagdasarian, Dupont, Bakary Sangaré, Waskar, Christian Heck, Dupont, Suliane Brahim, Zorino, Nazim Boudjena, le chef des Dupont, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur, et Marina Kapp dans le rôle de Milou. Avec les élèves comédiens de la promotion 2017-2018, Juliette Damy, Michael Wakerim, Aude Rouanet, Mathieu Astre, Robin Goupil et Alexandre Chordoret. Et la participation de Maria Villasis, Harrison Arevalo, Denzel Caillé-Gonzalez, Paul Granier et Edward Wolf. Conseillère en prononciation, Amaranta Kuhn. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Mathieu Leroux. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.